Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et oui, bienvenue en ce deuxième mardi du mois de juillet où il fait une chaleur accablante. Et croyez-moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque là, ce qui vous attend, c'est 2 heures de métal en fusion. Donc la température va monter. Il va faire très très très très chaud. Ça va être muy caliente. Voilà. Donc ce soir, ce qui vous attend, eh bien, quelques nouveautés. 2 simplement. Mais enfin bon, ne boudons pas notre plaisir. Et aussi, je me suis dit, tiens, on va peut-être revenir sur une petite chose sortie il y a quelques années, histoire de faire remonter la boîte à souvenirs en ces temps estivales. Ça fait toujours un petit peu de bien. Et donc, comme toutes les semaines, vous savez, on va faire un petit survol donc de mon style musical préféré. Puis j'oubliais aussi, on se fera un hommage aussi à Manny Charlton, qui fut le guitariste du groupe légendaire Nazareth, qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 80 ans. Voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Vous avez une bière bien fraîche à côté de vous? Ben, je vous envie parce que là, ça va chauffer. On va commencer très très fort avec les Lyonnais de Death Await. C'est leur 5e album éponyme, donc sorti donc là au printemps dernier pour célébrer donc leurs 20 ans de carrière. Et pour ça, il y a plein de bons mondes sur cet album. Par exemple, sur le morceau avec lequel on va commencer ce soir, il y a Julien Tranchant, le chanteur de Be Nighted, qui vient prêter main forte donc au Lyonnais. Donc sa voix douce et suave se complète à merveille avec le jeu fin et délicat des death métalleux lyonnais. Vous êtes prêts? Bien installés? Allez, tout de suite en douceur, Savor Again. Sensations about the Northern Bay. Petit retour en 2010 où Atheist, la légende du death metal, américaine nous sortait donc son dernier album, oui, c'est leur dernier, Jupiter. D'ailleurs, ils n'ont toujours rien ressorti depuis, et à ce que je sache, le groupe est toujours en activité, donc wait and see pour un futur album. Beaucoup plus récent ce qu'il y a eu avant, puisque c'est sorti au printemps dernier, c'est Death Awaits, les Lyonnais de Death Awaits, c'est leur album éponyme, et c'était le morceau Sever Again. On va se faire la première nouveauté de la soirée. Alors là, on va passer d'un registre beaucoup plus soft, avec un groupe qui était un groupe légendaire du hard rock, même du rock. C'est le nouvel album de Def Leppard. Def Leppard, donc, qu'on ne présente plus, vendeur multiple platine depuis belle lurette. Donc Def Leppard nous a sorti son nouvel album la fin mai, qui s'appelle Diamond Stars Halo. Je crois que c'est leur 12e ou 13e. Alors c'est un peu une grande première pour Electric Shock, parce qu'en 16 ans d'existence, je crois que c'est la première fois qu'un album de Def Leppard est en nouveauté. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, parce que les lives que le groupe a sorti, on est passé le live de Mirror Ball en 2009, si mes souvenirs sont bons, le Viva Hysteria, la version deluxe de Pyromania avec son live fabuleux, ça on avait passé. Et puis il y a 2 ans, juste après le confinement, on avait passé aussi beaucoup d'extraits du fabuleux coffret de Early Years 79-89. Vraiment un coffret magnifique. Enfin, un album studio, je crois que c'est la première fois. Et là, c'est un de mes amis, d'ailleurs un grand merci à mon ami Totor pour m'avoir prêté l'album, qui n'arrêtait pas de me dire qu'il était fabuleux, du coup il me l'a prêté. Et je dois avouer que j'ai écouté. J'ai pas été enchanté plus que ça. Je pense que les fans de Def Leppard là vont sont en train d'aiguiser les couteaux et me dire là qu'est-ce qu'ils nous racontent. Alors sur la forme, c'est toujours aussi bien exécuté, la production est nickel chrome, c'est bien interprété, ça c'est clair. Mais il y a très longtemps que Def Leppard ne fait plus de hard rock et ne fait que de la pop de très bonne qualité certes, mais enfin on est quand même très éloigné quand même de ce qu'était le groupe à ses débuts, ça c'est clair et net. Enfin, toujours est-il qu'il y a quand même des choses intéressantes comme ce Fire It Up que je vous invite à découvrir ce soir. Raise it up another level. A young street apostles with a hallelujah pedals. Creatures in the breezes keep on dancing with the devil. Swinging with the king like an Elvis made a pelvis. Bring the big beat back. Bring the big beat back. Whoa. Let me see your lights pop the dynamite. Here we go. Fire it up. Fire it up. Go with a hole in the sun. Till you get what you want. You gotta fire. Kiss the devastation. Cradle to the stadium, burning on the pavement. Fishing for religion on a mission, salvation. History is a soundtrack, wicked generation. Bring the big beat back. Bring the big beat back. Whoa. Let me see your lights pop the dynamite. Here we go. Fire it up. Fire it up. Go with a hole in the sun. Till you get what you want. Blaze on. Ouais, trop cool ça. Ça, effectivement, c'est le genre de musique à écouter de ce temps-là. Je m'imagine bien au volant d'une décapotable, les yeux mi-clos, en train de rouler sur une route tranquille, à écouter Bryan Adams avec un extrait donc de son album So Happy It Hurts, sorti au printemps dernier, qui a été une agréable surprise de revoir le Canadien quand même renouer avec le style qui a fait son succès, parce que ces dernières choses qu'il avait fait auparavant, et pas mal de choses un peu crispantes à mon goût. Donc Just About Gone. Juste avant, première nouveauté de la soirée avec le grand retour discographique de Def Leppard avec leur nouvel album Diamond Star Hallows, et c'était Fire It Up. On va passer à quelque chose de beaucoup plus heavy, et on va faire un petit retour dans le temps puisqu'on va aller au Bang Your Head en 2016, c'est le même festival allemand Bang Your Head. Et on va retrouver Eisters. Eisters, bon bah je vais pas vous narrer une fois de plus les mésaventures tragi-comiques, enfin plutôt tragiques qu'autre chose, de John Schaefer, leur leader, suite aux événements de Washington en janvier 2021. Toujours est-il qu'à mon avis, Eisters maintenant se conjugue au passé, et que l'ami Schaefer a besoin un petit peu de se faire un petit peu de beurre dans les épinards, et c'est pour ça qu'à mon avis, il a sorti ce live à compte d'auteur, puisqu'à l'heure actuelle, le groupe n'a plus de maison de disques, n'a plus de management, n'a plus rien. Enfin, il n'y a même plus personne, puisque tout le monde s'est barré. Enfin bon, toujours est-il qu'on se souviendra d'Eisters comme d'un super groupe de scène. Donc au Bang Your Head, en 2016, Eisters mettait plutôt en évidence donc les 20 ans de son album mythique The Dark Saga, et le dernier album touche au tout bouillant de l'époque, qui était Plagues of Babylon, d'ailleurs. Ce sera un extrait de cet album maintenant, avec Democide. Let me hear you! Autant de bien, va écouter Eisters. Donc deux petits extraits, la Vengeance is Mine qui initialement était sur l'album mythique The Dark Saga sorti en 1996 et Democide qui lui figurait sur ce qu'était leur dernier album en date, Plagues of Babylon en 2014 et c'était Vengeance is Mine et ces deux extraits figurent sur le live Bang Your Head sorti fin mai que vous devez commencer à connaître parce que ça fait déjà quand même quelques semaines qu'on vous en diffuse. Restons en live maintenant avec un groupe mythique également que j'apprécie particulièrement, bien que pas tout à fait hard rock. C'est Goth Mule, le groupe de Warren Haynes, l'ancien guitariste des Allman Brothers, qui nous fait un peu toujours un peu de tout, des concerts toujours époustouflants. Comme par exemple ce soir-là, Upper Derby, le 31 octobre 2009, où Goth Mule s'est amusé à reprendre que des classiques des Rolling Stones. Ça leur prend comme ça. Souvent, lors des soirs d'Halloween, ils s'amusent à faire des concerts un peu avec un thème particulier. Par exemple, reprendre que du Pink Floyd, reprendre que certains classiques de blues, que du Led Zeppelin ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, ce soir-là, c'était toujours les Rolling Stones qui étaient à l'honneur. Et c'était disponible déjà en vinyle il y a quelques années. Maintenant, on peut le trouver en CD, ainsi qu'en double vinyle. Toujours tout oubliant, parce que c'était deux vinyles séparés. Puisqu'on parle de live, tout à l'heure, en fin d'émission aussi, je vous dirai deux mots aussi sur le concert de Deep Purple de mercredi dernier que la légende britannique nous a donné à la scène musicale. Et je pense que l'heure de la retraite n'est pas encore là pour les papilles. Enfin, ça, on verra ça. Et bien, Goth Mule, eux non plus, ne sont pas mûrs pour la retraite. Comme on peut l'entendre sur ce morceau des Rolling Stones, pas un classique des Stones, un morceau qu'on a tendance un petit peu à laisser tomber, et un morceau vraiment propice à des jams, comme c'est le cas. Et c'est Can't You Hear Me Knocking qui, à l'origine, figurait sur le mythique Sticky Fingers. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, si vous voulez l'album de Goth Mule, il s'appelle Stone Side of the Mule, volume 1 and 2. Thank you. You Hear Me Knocking, un morceau un petit peu méconnu des Rolling Stones, repris de main de maître par Goth Mule. Enfin, quand on connaît le pédigré des musiciens de Goth Mule, c'est sans surprise. Et ça, c'est un extrait donc de l'album Soundside of the Mule, volume 1 and 2, sorti au printemps dernier. Ça va toujours? Bah ouais. Moi, pour ma part, je pète la forme. Bah, c'est pour ça qu'on va faire un petit peu de thrash made in Germany. On va revenir à le dernier album de Creator, Hate Uberless, qui est vraiment une pure merveille, une pure déflagration de haine, comme son nom l'indique. Et on va se décrasser les esgourdes avec Killer of Jesus. Slay that and that free. Vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. Ben, on s'en est grillé quelques-uns avec cette jolie petite doublette. Avec la crème de la crème du trash allemand à l'instant, donc Sodom avec Hellfire, un petit extrait de l'album In War NPCs sorti en 2010, et juste avant Creator avec Killer of Jesus qui lui est extrait de Hate Uberless qui est sorti au printemps dernier. On va se faire quelque chose maintenant de beaucoup plus rock'n'roll. On va faire un hommage donc à Manny Charlton. Manny Charlton donc était le guitariste fondateur de Nazareth. Alors en France, c'est un groupe qui n'a jamais eu un succès énorme, si ce n'est juste un succès d'estime. C'est un groupe qui a eu par contre en Angleterre bien sûr chez lui et en Allemagne où il marchait vraiment très très fort. Et donc Manny Charlton a fait partie du groupe entre 1968, de la création du groupe, et 1990. Et après, il n'a pas arrêté de faire des albums solo. Il est mort quand même à l'âge de 80 ans, ce qui est quand même assez vénérable, va-t-on dire, pour un rocker. Et pour la petite histoire aussi, sachez que Manny Charlton, eh bien, il avait produit des démos pour Guns N' Roses en 1986. D'ailleurs, ces démos, on peut les retrouver sur l'édition là, dite, qui est ressortie là, il y a quelques années, dite de luxe. D'ailleurs, on en avait diffusé, je crois, dans Electric Shock, si mes souvenirs sont bons. Et donc, en sa mémoire, va se passer certainement le morceau le plus connu de Nazareth, Air of the Dogs. Et extrait donc d'un live sorti en 2001 s'intitulant Back to the Twenties Live 1972-1984. Et donc c'est une compile avec plein d'enregistrements live enregistrés donc comme entre 72 et 84 comme on l'indique au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Et ben on va se faire un petit extrait d'un concert de chez eux puisque le groupe était écossais de Glasgow en 1982 avec cette version vraiment décapante de Air of the Dogs, donc en hommage à Manny Charlton. Sachez que Nazareth, d'ailleurs, est toujours en activité et a sorti un dernier album, là, au printemps dernier. Voilà. We'll be right back. du rock'n'roll rugueux et rappeux comme on l'aime. Ça, c'est le trio allemand Nitro Gods, à mi-chemin entre AC/DC et Motorhead, qui célèbre donc leurs 10 ans de carrière avec un double live intitulé 10 Years of Crap Live. Et c'était le morceau donc Boogeyman, extrait donc de cet album sorti fin mai. Juste avant Nitro Gods, bien rappeux lui aussi, c'est le groupe Nazareth et leur grand classique Air of the Dogs, d'une version enregistrée à Glasgow en 1982 qu'on peut trouver sur le live Back to the Twenties, live 1972-1984, sorti en 2001. Et ça, c'est en hommage donc à Manny Charlton, qui fut le guitariste fondateur du groupe entre 1968 et 1990, et qui est décédé donc mardi dernier à l'âge de 80 ans. Ça, c'était notre petit hommage ce soir. On va revenir à un très grand guitariste, quelque peu sous-estimé quelque part. C'est Kirk Hammett. Kirk Hammett, le légendaire guitariste de Metallica, qu'on connaît surtout pour ses solos épileptiques et son usage intensif de la pédale wah-wah. Et ben, Kirk Hammett, après plus de 40 ans au sein du groupe, s'est décidé à faire un premier jet solo, instrumental. Il a profité donc du Discard Day le 23 avril pour nous donner ce petit jet qui s'appelle Portals, donc quatre instrumentaux, donc très différents de ce groupe d'origine, qui nous montre vraiment que le gars est un grand fan de musique de film, genre Ennio Morricone, c'est clair. Et vous allez pouvoir en jouer tout de suite avec The Incantation, qui figure sous ce EP. The Incantation, c'est un des morceaux qui figure sur le EP instrumental Portals de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Je dois vous avouer que je savais pas trop quoi m'attendre en achetant ça. Et puis finalement, je dois avouer que j'étais agréablement surpris. Et c'est clair que je pense que ce serait bien que l'ami Kirk nous fasse vraiment un véritable album. Enfin, en attendant, on va se contenter de ce petit EP qui n'est pas si évident que ça à trouver, puisqu'il n'était sorti que lorsque du discardé américain en CD et en vinyle coloré. Mais pour trouver ça, accrochez-vous quand même. Et bah tiens, on va revenir au Made in France avec le premier album de So Riot, Square One, et on va se faire un petit morceau qui s'appelle Your Mind. Et il est déjà 20h09, et ouais, on a déjà attaqué la deuxième heure d'Electric Shock. Et je vous rappelle donc qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. We'll be right back. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé un extrait de Strange Stars des Allemands de Enlightenment. C'était le morceau Spines, un groupe à suivre, ça c'est clair. Juste avant So Riot, que c'est pareil, vous devez connaître puisqu'on en diffuse pas mal depuis ces dernières semaines, extrait donc de leur premier album Square One, c'était le morceau Your Mind. Je vous avais dit en tout début d'émission qu'il y aurait donc deux nouveautés seulement ce soir. Voilà, il va être temps de se faire donc la deuxième avec un groupe culte dont on a parlé il n'y a pas tellement longtemps dans Electric Shock et dans le magazine Rock Hard il y a quelques mois. Il s'agit de Trouble, justement. Trouble, donc, où on a eu un petit historique dans le magazine qui nous racontait donc la genèse et l'histoire de ce groupe quelque peu maudit. Et en même temps, dans Electric Shock, on avait passé aussi un morceau histoire de se rappeler au bon souvenir. Et en... cet article aussi coïncidait justement avec la réédition d'un album Unplugged et surtout aussi de ce qui nous concerne ce soir, un album qui s'appelle Revelations of the Insane Demos and Rarities, sorti au mois de mai, qui contient donc des démos et des extraits de concerts entre 1980 et 1994. Donc des morceaux inédits, il y a plein de bonnes choses. Donc pour voir un petit peu l'évolution du groupe et comparer aussi les morceaux par rapport à leur version finale qui figureront sur les premiers albums. Je parle certainement du premier CD où on y trouve la démo de 82 avec des morceaux de The Tempter, Assassin. Donc à vous de comparer après sur ce qu'il y a eu sur Psalm 9. Pour ce soir, je nous ai choisi plutôt des extraits de leur première démo de 1980 où le groupe se cherchait, n'avait pas encore eu ce son entre Black Sabbath et Judas Priest qui... C'est plutôt de la lignée de ce qui se faisait en Angleterre, de la New Wave of British Heavy Metal. Mais malgré tout, c'était quand même du solide. Le groupe jouait carré. Et pour une démo de cette époque-là, le groupe avait comme un sacré son. Hein. Faut pas oublier que c'était il y a plus de 40 ans. Donc, extrait de ça, un des premiers morceaux de Trouble et inédit, le morceau Demon's Claw, que je vous invite à découvrir ce soir. Thank you. some hideous thousands of nightmares. Satan was my savior. Reason not to sing there. Reason for the heavens. Never to be back again. Jaguar, un des groupes oubliés de ce qu'on a appelé la New Wave of British Heavy Metal. C'était Battle Cry, extrait donc de leur première démo sortie en mars 1980. Démo qu'on peut trouver sur un album intitulé Archive Live Volume 1, sorti en 2006, contenant donc les démos d'avant leur premier album, entre 80 et 82, plus des extraits live. Juste avant, c'est la deuxième nouveauté de la soirée. C'est pareil, c'est un album un peu fourre-tout, contenant des démos, des morceaux rares et inédits de Trouble. Et ce soir, on a eu Demon's Claw, une démo de 1980, donc qui figure sur cet album. Ça s'appelle Revelations of the Insanes, Demos and Rarities. Et si on revenait au groupe Kiss, qui est toujours en tournée soi-disant d'adieu, Kiss qui apparemment a fait un très très bon concert à Bercy, paraît-il, enfin pardon, l'Accor Arena Hotel. Et on va revenir, tiens, au concert de Donington 96 qui est sorti ces dernières semaines, où c'était la reformation du Big Bisou avec le line-up original, avec tout le maquillage et tout ce qui va bien. Et on va se faire le morceau de bravoure d'Ace Frehley, c'est le morceau Shock Me. Satisfaction grows. You make me feel at ease. You make me glow. Some shit up. Prélude au 14 juillet, vous avez entendu les explosions. Non, non, nous sommes que le 12 juillet, il va falloir patienter un petit peu. C'était donc Kiss avec Shock Me, le morceau de bravoure de Ace Frehley, extrait donc du Live of the Soundboard Donington 1996, donc enregistré donc au Mystique Circuit Automobile Britannique le 17 août 1996. D'ailleurs, le prochain volet de la collection of the Soundboard devrait sortir le 9 septembre et il s'agira d'un concert normalement enregistré à Des Moines en 1977 en pleine période Love Gun. Ça va promettre. Je vous avais dit que j'allais vous donner quelques informations à propos du concert de Deep Purple qui a eu lieu donc mercredi dernier à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Alors je dois avouer que je ne connaissais pas du tout cet endroit qui est situé, donc pour ceux qui connaissent, aux anciennes usines Renault sur l'île Séguin, où là où tout a été rasé il y a quelques années. Donc un grand complexe, grand centre commercial avec plein de choses, très luxueux, très cosy. Une salle magnifique qui ressemble un petit peu à un zénith en plus cosy, qui a à peu près la même contenance puisque la salle fait 4000 personnes en configuration assise et 6800 en configuration assise et debout. Donc pour Deep Purple, c'était cette configuration-là et d'ailleurs c'était quasiment plein. Un son vraiment magnifique et où qu'on soit placé, vraiment des bonnes conditions pour voir la scène, vraiment que de ce point de vue-là, impeccable. Que dire du concert lui-même? Bah, la première partie, deux mots, un groupe complètement incongru, genre ce qu'on appelle du djent, enfin un groupe métal moderne, donc déjà complètement incongru, mais surtout saboté par un son vraiment immonde. Je ne sais pas quel était le sonorisateur. Du coup, ça n'a pas du tout rendu service au groupe, ça c'est clair. Quant à Deep Purple, par contre, point de vue conditions sonores et lumière, rien à redire, fabuleux. Ian Gillan, bah, il est toujours en voix quand même, malgré ses 77 ans et quelquefois, on va dire, on sentait qu'il peinait bien, mais enfin, il a bien rattrapé le coup. Quant à Roger Glover, Ian Paice et Don Airey, égaux à eux-mêmes, la grande question, c'était comment allait se comporter le guitariste remplaçant Steve Morse, qui, vous savez, a préféré, ce qui est tout à fait normal, rester en compagnie, au chevet de sa femme, gravement malade. Et donc, ce fameux Simon McBride, que je ne connaissais pas, si ce n'est que je savais qu'il avait joué avec Don Airey et Ian Gillan, et oui, on reste en famille, bah, qu'il a été efficace, qu'il a bien fait le job, qu'il reprenait vraiment toutes les parties de Steve Morse et de Blackmore très correctement. Bref, un très très bon substitut. Quant à la setlist, bah, je dois avouer que j'aurais bien aimé qu'il y ait eu un peu plus de morceaux de Whoosh. Bon, on a eu quand même trois quand même. Les classiques étaient là et Machine Head a été particulièrement mis à l'honneur. Il faut dire que bon, cette année, c'est quand même les 50 ans de cet album mythique. Bref, à part ça, rien de nouveau, toujours de la qualité. Et ben, on va se replonger un petit peu de l'atmosphère du concert avec une version live de Highway Star. D'ailleurs, c'est avec ça que le concert a commencé à Paris. Et là, extrait donc du CD-DVD From the Setting Sun in Wacken, sorti en 2015. Donc Deep Purple en 2013 au Wacken, qui réinterprétait Highway Star. Ça nous donnait ça. Uncommon Man, Deep Purple, Live Wellfest en 2017. Eh ben, on peut trouver cette version de ce morceau, donc à l'hommage de John Lord, leur claviériste disparu. Promis, on se fera un hommage la semaine prochaine sur l'édition The Gold Edition d'Infinite, donc réédition donc, de l'album qui était sorti en 2017, plus le live complet du Hellfest 2017. D'ailleurs, Hellfest, apparemment, ils ont fait un beau petit carton. Deep Purple avant aussi, avec Highway Star, le classique de Machine Head, qu'on peut trouver là sur le CD-DVD From the Setting Sun in Wacken, donc enregistré au légendaire festival germanique en 2013. Et là, il nous reste peu de temps, donc on va se faire un dernier petit morceau. Et bah tiens, si on terminait avec le EP de Born Again, Live Hard, Die Free, et on va se faire le morceau éponyme. Et après, on va pouvoir se dire au revoir. Hard Die Free, voilà, c'est avec ce morceau de Born Again que ce 715e numéro d'Electric Shock s'achève ce soir. Merci encore à vous d'avoir été à l'écoute de ce magazine métal. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec bien sûr des surprises comme toutes les semaines. Et d'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. À mardi prochain. Salut à tous.